Même si tu n'aimes plus l'amour, tu l'aimeras un jour. Le jeu n'est pas fini. Même si tu préfères oublier ce qui t'a fait plier, tu changeras d'avis. Un jour, du fond de ta peine, un souffle dans tes veines. Un jour, tu verras. Un jour, comme une renaissance, un abandon d'essence, tu te découvriras, tu verras. Même si plus rien ne te retient, sinon l'envie de rien, de sommeil et d'oubli. Même si tu ne veux plus aimer et ne plus t'enflammer, tu n'es pas à l'abri. Un jour, le voile se déchire, s'embrase le désir, et tout recommence. Un jour, de l'aurore à l'aurore, tu aimeras plus fort, délivrant. Enfin, bien plus que tout, je sais qu'il y aura nous. Je sais.